Monsieur le Président. Oui, c'est ça, Macron. C'est moi en solo. J'habite à Nantes. Je te parle directement à toi. Il m'adresse directement à toi, quoi. C'est nous, les enfants de l'Afrique. On est venu te parler aujourd'hui pour te dire que. C'est pas. Nous, on n'est pas venu manger kebab. On n'est pas venu manger ketchup. On n'est pas venu regarder la Tour Eiffel. On est venu réaliser nos rêves, quoi. On n'est pas les touristes. Right, baby. Les mineurs isolés, les mineurs de 16 ans, 15 ans qui dorment dans la rue, n'ont pas de maison. Mais toi tu dors dans les maisons, les hôtels présidentiels. Eh, hey, monsieur Macron. You feel me? Pretty boy.